Comprends-tu? Mais oui, c'est une autre fois. Une autre blague. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vient 19 ans. Elle vient d'accoucher. Son poupon est merveilleux. Elle regarde aussi sa mère. Puis elle dit, hey, quand je pense que j'ai passé à un cheveu de l'avaler. Aujourd'hui, le lundi 7 octobre 2024, monde, la comprends-tu? Monte le volume, hymne la différence. On va voir dans les dictionnaires. Dans les encyclopédies. Attends un peu, là. Monte le volume et hymne la différence, car c'est parti, mon kiki. C'est l'anarchie, ici. C'est l'anarchie, diante. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la fête lumineuse, le farfadet surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cirque médiatique actuel. Rénald Gagné! Wow, ça part fort en ce 7 octobre 2024. Sunlight is everywhere. No one seems to care. But we do on a trip. We are taking trips. We see the world in a different way than the others. The world is a nice place to live, but the people down sea, they ruin it many ways. Oh, Votre animatrice ce soir, Rénaldine Gagné. Qui? Rénaldine. La fille de mon ancienne copine m'appelait Rinaldine quelquefois. C'est pas parce que le samedi, tu t'habilles en robe, talon haut, tu veux être coquet, comme ta copine. Là, sa fille de 11 ans sort de sa chambre. T'es habillé en femme. Hein, quand on endoctrine des enfants à un âge très, très précoce, là, à la naissance, on commence à endoctriner l'être humain. C'est le début. C'est le début de la stigmatisation. Les stéréotypes. On stéréotype. Oui, madame. Tout à fait raison. On classifie, c'est beaucoup plus facile à dire, on classifie le genre humain. J'en ai parlé il y a quelques années, quelques semaines, quelques mois. Tu sais, ta copine est enceinte. Là. Elle sait qu'elle aura une jeune fille. J'espère que lorsque je vais accoucher, l'enfant, ma fille sera jeune. Là. Je ne vais pas l'avoir à 40 ans. Elle va être plus vieille. Elle va être plus vieille que moi. Tu sais, ça n'a pas étudié longtemps, ça, là. Elle va être plus vieille que moi. Et l'intellectuel de gauche, là, qui s'enfonce dans l'œuvre de Camus, s'interroge et se dit, « Ciel! Ce petit bambino qui roule dans mon ventre. » Je voulais trouver quelque chose de poétique sur bambino qui roule dans mes intestinaux. Un enfant qui roule dans les intestins, voyons. C'est pas ça, là. C'est une fausse mouche, là. Une mouche à marde. Oh, ça a été dit. Puis c'est pas la marde, c'est la merde. La merde. Une mouche à merde. Mais on souhaite toujours, lorsque notre enfant naîtra, qu'il sera plus jeune que nous. Parce qu'on veut pas que ce soit lui qui nous élève. Imagine. Madame, mademoiselle. Mademoiselle, vous venez d'avoir 18 ans. Vous êtes belle comme une enfant, forte comme une femme. C'était l'été, évidemment, et vous avez cru, en faisant cet enfant, que votre progéniture serait déjà classée. Quoique, pas besoin de progéniture pour classer tout ça. Là, si vous écrivez, vos enfants peuvent naître de la poésie. Si vous êtes cinéaste du cinéma, Si vous êtes vidéaste de la vidéo, et si vous êtes coiffeuse ou coiffeur, ben, du cuir chevelu. Là, et puis moi, déjà, on va me prendre pas en considération, s'il vous plaît. Pas vraiment. Ah non, n'ayez pas de considération pour moi, ça ne vaut pas la peine. De laisser ceux qu'on aime. Non. Mais on va me prendre en filature. Souvent, on me prend en filature. Puis, bon, on me dit que je crois que tu souffres d'un petit problème poirien. Parce que les psychologues ont trouvé, lorsqu'on veut enquêter sur des choses, on est poirier. On veut faire notre Claude Poirier de nous-mêmes. Remplissez pas mes cordes vocales. Elles sont déjà bien engorgées. Excuse-moi, mon Claude, c'est parce que c'est pas les cordes vocales, c'est les boîtes vocales. Hey, je connais la situation. J'étais au coin de Papineau et Saint-Sacrement. J'ai attendu là dans mon véhicule 67 Cadillac 3 portes. Parce que Monsieur Manson, George Manson, non, c'est quoi? Steve McQueen. Exactement, LeGuin, Steve LeGuin. Oui, mais un méchant Steve LeGuin. Il se prenait tellement pour un LeGuin, ce gars-là, qu'il a voulu faire un tour de passe-passe. Parce qu'il s'imaginait que les gens étaient imbéciles. Mais il avait raison. Il avait raison, d'une part, une petite raison. Comme il avait des tout petits yeux qui s'ouvraient facilement, un peu comme, vous savez, Claude Blanchard, là. Ou c'est qui, pour être connu partout là, dans la francophonie, des petits yeux, c'est qui? Des petits yeux, des amoureux. Non, c'est pas des amoureux, c'est... aujourd'hui, il y a Johnny. Johnny O'Leary. C'est pas Elvis, là, mais c'est Johnny. On a toujours su que Johnny se prenait pour Elvis. Oh, Jean-Pierre Ferland. Les petits yeux de Jean-Pierre. Les petites suces, là. Les suces. Jean-Pierre, t'as-tu les yeux ouverts? Oui! Mais je sais pas qui d'autre, donc, a l'air d'avoir les yeux ouverts, mais... Oui, il y avait un politicien français, je me souviens plus le nom, je crois qu'il est mort. On le prenait en photo, puis on dirait qu'il roupillait. Je crois sincèrement qu'il roupillait. Il était à la législation. Il est jeunel. La jeunelle est l'ose. Comment? La jeunelle est l'ose. Oh, je la connais, celle-là. On a voulu me la présenter en 97. Ça avait l'air louche. Fait que je refuse. Moi, lorsqu'on sent que notre cerveau titille, mais un peu comme dans une roulette hamster, là, à l'envers, puis que comme un de mes amis me disait, que je vous divulgue souvent, quand ta cloche, elle consonne, prends-y garde. Garde. Prends-y deux capsules, s'il te plaît. Nous avons le choix maintenant. Oh mon Dieu, Seigneur. Hey, moi, fais-moi pas choisir, on a pour la semaine. pouvez-vous nous dilater la sorte? Pardon? Dilater? Non. Relater. Excuse-moi. Divulguez-nous les... Il n'y a pas de secret là-dedans, donc vous pouvez en parler. À bronche ouverte. Bronchite. Vous souffrez de bronchite, vous. Pompez-vous! Prenez-vous la pompe! Vous avez des couleurs là-dessus, là, c'est maintenant, ça. Mais non, avant que je m'enlève le tuyau de la bouche, pouvez... Ben oui. Ça m'arrive, moi, de m'enlever le tuyau de la bouche. Puis le début des... Les 4-5 minutes, là, après les chansons, on dirait que, je sais pas, je devrais faire de l'articulation, comme des comédiens. J'ai jamais appris ça, là. Si vous connaissez, là, faites une vidéo. Enregistrez, là, comment je pourrais, pour avoir l'air intelligent, parce que je parle, on dirait que les mots sortent pas, le cerveau est... Puis pourtant, il me reste encore un peu d'intelligence, là. Un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, dites-moi les sortes de capsules que je peux prendre. C'est sans doute dans la force. Il y a léger. Il y a normal. C'est comme les cigarettes, fondamentalement. Là, on doit même plus dire léger. Êtes-vous des fumeurs, madame? Vous fumez encore? Garde-moi la cheminée. Vous avez des beaux poumons noirs. Oui, ma noire. Ça sent bon chez vous. Vous avez peinturé jaune, c'est la nouvelle tendance. Tendance cancer. Ouais. Non, il y a de l'intérêt, Moi, c'est jaune, mais jaune citron. Ouais. Ça me rappelle ma voiture 77 Cadillac que j'ai acheté en 77 Cadillac. Là, je voulais Cadillac. Et moi, je voulais. Hein? Non, mais rentrer dans le monde de la Cadillac. The change that's going on in me. Non pas parce que le véhicule m'intéressait, c'est que le mot « ca », ça finit par « lac, lac, lac, cadillac, lac, lac ». Il y avait quelque chose là, de naturel là-dedans. Je me sentais sur le bord de la, du lac. Puis pas un lac creusé, là. J'ai des moyens. Un beau lac naturel, conçu par le bon Dieu, creusé par ses disciples. Parce que le bon Dieu a des disciples, là. Non, c'est des vrais, là. Que Dieu a forgé de ses mains, de ses menumains. On les appelait même pas les humains, on les appelait les menumains. Là, il en reste deux. Il reste deux menumains, vous ne saviez pas, hein? Ben, voyons, Errance Rénaldienne, c'est le centre du savoir. Mais un centre du savoir qu'il ne faut pas trop laisser parler ailleurs, qui sait. Vous savez, c'est comme des causes. Des casiers. C'est comme des casiers. J'ai tendance à dire casier, hein? Je sais pas, c'est gras chez nous. On mange la patate graisse. Deux graisseuses puis un roteux, mon champion. Deux belles graisseuses. Ah! Oh, regarde-moi la... Hey, deux graisseuses pour... Hein? C'est merveilleux! Je sais pas pourquoi j'ai un langage gras comme ça. Puis vous avez remarqué que je sois partout sur la planète francophone. Je prends pas l'accent. Mais donne-moi deux petits whisky. Tu vas voir que l'accent. Perdu! Je perds le coup, je perds le nord. Oh, je perds la tête, là. C'est pas vissé serré là-dessus, là. Moi, j'ai demandé la version amovible. Amo. Ouais, bien, c'est certain qu'il arrive plein d'élégance langagière. Là. C'est des mots qui... c'est comme un volcan. Hein? Jamais t'éteint. Toujours en éruption. Toujours en... On pourrait même... Oui, on... Vous avez raison. C'est des flatulences. Flatulences, c'est pas juste intestinaux, là. On rapporte ça souvent aux intestins, aux petits pois, hein? L'art de chanter comme la grande Alice, loin des merveilles, plus près du ciel, ancré dans la folie pure, la folie qui ne rend pas malade, la folie qui donne au peuple sa raison d'exister. Hier, excuse-moi, nous sommes en communication avec en haut. Fait qu'il faut laisser hein, rentrer les circuits. C'est comme ça. Hey, Gaman, excuse-moi, là, mais ton émission, là, comment ça marche? Comment ça marche? Ça marche pas. Ça marche pas. Moi, j'ai coupé les... monsieur, j'ai un médecin là-dessus. Je vous l'ai peut-être dit, Yvon Tessier. Mon docteur Yvon Tessier, son travail, ben c'est de Tessier. Puis si tu te fermes pas, là, il va te lasser. Puis s'il te lasse, tu vas voir que le chien va t'apparaître. Ouf, ouf, ouf, il va te lécher 3-4 fois le visage. Il va te ramasser. Parce qu'il ramasse les dents, ce chien-là. Puis il sait reconnaître la branlante. Lui. Ah oui. Juste un coup de langue. Il y a comme un senseur. Pas la sens, ça monte pas, ça descend, lui. Non, c'est il capte. Je la porte pas, celle-là. J'ai comme une petite envie de... Il capte autres ondes, je n'ai jamais su... Non, je l'ai faite, je la fais souvent. Répétition égale quoi? Sommeil profond. M.C. Solar disait... Imitation égale limitation. Tu l'as déjà dit des années et des années. Je répète. Vous répéteriez. Pardon? Il y a du crépitement au niveau de la solaire. Non, c'est de la molaire. Je nettoie très mal mes molaires, mais mes incisives sont très accro. J'ai déjà fait craquer deux dents, moi. Mes propres deux dents. Deux dents. Deux dents ma bouche, là, mais mes dents sont pas à l'extérieur. Quelquefois, attention! Attention, je fais des miracles. Vous saviez. Je peux faire sortir les dents de ma bouche. J'ai une prothèse dentaire. Non, t'en voyais venir, je voulais la faire vite, là. Je veux pas permettre au public, là, de réfléchir. Ou si oui, si oui, si oui, si oui. Oh, oh, oh, hein? Si oui. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que j'ai encore mon vieux offert par un musicien. Lors d'un radioton, justement, il y a combien d'années? Il y a des années, bien des bandes. Non, c'est au moins 10 ans. Mais l'autre, je l'ai perdu. Il est tombé. Je faisais des émissions à CKRL. Ma belle CKRL. Hey, j'ai oublié de l'appeler hier. Je l'appelle régulièrement. Elle a une boîte vocale CKRL. Je l'appelle. Je dis, je t'aime beaucoup. Lâche-moi pas. Je t'embrasse. Bye-bye. Je raccroche de même. Là, à un moment donné, il y a le grand directeur, Renal. Oui, Renal, oui. Renal, c'est moi. Renal, arrête de bourrer nos boîtes. Bourrer nos boîtes. Je bourre pas, voyons donc, toi, quelle boîte, des boîtes à l'onde, j'ai boîtes, quelle boîte. J'ai déménagé il y a 20 ans, je réchis, j'écoutais. Je me suis dit... Je me suis dit depuis quelques semaines. Puis là, ça commence à rentrer, là, à grand flot. Je m'achète des cercueils. Je m'achète des cercueils parce que là, j'en ai ras-le-bol de mettre ça dans des boîtes puis de déménager ça. En mettant ça dans des cercueils, quand je vais partir, ils vont partir avec moi. Moi, je m'en vais dans un cercueil. Je mets tout ce que je veux d'important là-dedans. On part dans une autre zone. On refait une autre vie avec mes affaires. Fait que là, quand je vais arriver là-bas, il faudrait pas que je me trompe d'adresse, mais je sais pas l'adresse encore. Je sais même pas s'il y a des... Ça fonctionne pas avec des adresses qu'ils m'ont dit. Ça fonctionne avec des ondes. Êtes-vous rendu là dans votre cheminement, vous autres, là? Des ondes. Là, on parle plus, là, de... C'est plus de cartésianisme qui mène. Enfin! C'est plus le capitalisme qui mène. Enfin! C'est les ondes. Les ondes et surtout, surtout, l'humanité. On ne te demandera plus comment tu vaux. On va te demander comment tu vas. Quelque chose qui est intéressant qui s'amène là. Puis ma religion, parce que non, je voulais même pas dire religion, ça m'a été soufflé dans l'oreillette. Moi, c'est plutôt un mouvement. Parce que j'aime ça, les mouvements. J'ai appris le premier mouvement quand je suis venu au monde. Il y a un mouvement. Puis... Quand je suis né, j'avais 22 ans. Ben, je vais être avec vous, 22 ans et demi. Puis, ma mère a voulu me... Non, pas me... Non, non, juste me... Non, non, recule-toi un peu, là. Elle m'accueillait. Mais avec une certaine réflexion sur la personne que j'étais à cet âge-là. On s'entend tout le temps, là, on attend d'avoir un petit bébé. Oh, le petit bébé, il va pleurer. Mais non. Non, moi, j'avais fini mon cégep. J'avais encore mon livre de Jean Cocteau. Sa poésie intra-utérine. Tome 2. Tome 2. C'est vrai, on doit pas dire tome, on tome. Tome 2. En France, on dit tome tout. Tome tout parce qu'il faut être branché. Non, il faut être branché, c'est quoi? Fusionner. En anglais, branché. Comment on appelle ça branché en anglais? Branché, branché, c'est plug-in. Plug, plug, plug, plug. Hein? Il faut être plugué. Quand t'es pas plugué, ben. Fait que là, on va revenir au cercueil. Je me suis commandé sur eBay, madame, mademoiselle, monsieur, mademoiselle surtout. Des lots. Ils fabriquent ça en Amazonie. C'est fait avec des arbres amazoniens qui sont gossés par toutes les vierges d'Amazonie. Et puis, c'est lissé l'intérieur, là, parce que moi, je vais mettre des micros hein, pour faire mes émissions. Parce que moi, même si je pars avec mes émissions, moi, là, je suis pas le craté du coin qui sait pas. Il y a des moments dans ma vie, moi, je sais. Je propage, moi. Je propage, puis je vais propager, puis je vais continuer. Je vais continuer à propager. De la bave? Non, pas de la bave, mais la nouvelle. La nouvelle. Puis quand la nouvelle est trop nouvelle, c'était tellement frais, ces nouvelles. Hein, c'est la fraîcheur même de la nouvelle. Elle dégouline entre les doigts. Ah, oh, mon doux Seigneur! Oh, je peux pas la... Tu peux... Impossible de retenir ça. Impossible! Ça te glisse dessus. Et quand ça te glisse dessus, tu te laisses faire. On appelle ça de l'expérience. On s'imagine, à un moment donné, dans notre vie, hein, j'ai plus d'expérience à vivre. Hey, wow, wow, wow, wow, wow! Tout est à faire. T'as pas lu le livre que tu devais lire encore. Tu croyais avoir tout lu, tout bu, tout vu. Mais il y a tellement peu de choses qu'un humain peut parvenir à faire avant de partir pour l'autre zone. Long road to him a drop out. C'est ça, les tombeaux que j'ai acheté en lot, eBay en lot. Mais moi, je suis comme patient. Je suis pas comme. Je parle comme les jeunes. Je suis très patient. Et c'est les enchères. Toujours les enchères. Si vous connaissez le mode eBay, là, tu peux soit acheter maintenant ou attendre que des imbéciles se titillent le truc. Fait que même si, exemple, là, entre nous, ça va rester entre nous. Seulement entre les membres de CKRL, les autres s'en souviendront même. C'est pas compliqué. Regarde. Écoute. Non, regarde pas, écoute. T'écoutes CKRL, tu regardes pas CKRL. Tu regardes le combiné qui t'amène le son, là. Mais heureusement pour vous, vous me verrez pas. On a coupé l'image là-dessus. Non, mais hey, faut couper les images à un moment donné si tu veux faire propager l'imaginaire. Si tu veux, ça court-circuite dans ton cervelet. Mais là, on va revenir à mon affaire d'eBay. Pas choisir, mais oui, choisir, attendre. Là. Alors, tu peux miser, OK, quand c'est les enchères. On va prendre un exemple. 20 tombeaux. On est rendu à 22 $ américains. 22 US. Fait que toi, tu peux mettre 350 US, parce que ça vaut pour toi 350 US, et ne plus revenir. Fait que les autres ne sauront pas que tu as mis 350 US. Ils vont miser, mais ils vont voir qu'ils se font tout le temps écraser. qui les écrase? C'est toi, mon ami, c'est toi le brillant. Mais faut pas non plus que tu mises trop haut. Si, disons, ça vaut juste 25$ parce que c'est des micros faits avec des petits cartons d'allumettes, tu te rends compte que je peux même pas rentrer un micro, je me... Voyons donc, toi. J'aurais de la difficulté à rentrer mon... tu sais, quand on n'a pas de lunettes, on a des lentilles. Je serais même pas capable de rentrer une lentille. C'est trop miniature. Là, il faut que tu te renseignes. C'est là que l'intelligence rentre en ligne de compte. Tu peux te faire avoir. Mais c'est rare. Puis comme tu payes avec PayPal, tu peux te faire rembourser. C'est double sécurité. Fait que moi, j'attends mes tombeaux. Tout est prêt. Fait que là, ce que tu fais, tu remplis toutes tes affaires, tu fermes, tu barres, bien sûr, parce que tu peux te faire voler ça, là. Il y a des Dracula au Québec. Des suceux. Des suceux, pas juste des suceux, là. Non, d'autres suceux, des gens qui attendent la Non, je sais comment le dire facilement, là, mais je veux faire rire le peuple. C'est comme ça, c'est... Un humoriste fait rire de même. Il ne sera pas capable. C'est comme la pleure de banane, hein? On voit la pleure à terre, là, par terre. On voit le clown qui tourne autour, là. Puis, hey, il va se mettre les pieds à un moment donné. Vulnérabilité. Pas compliqué, là. Hein? Vous pensiez que j'allais parler encore de la pleure de banane? C'est ça, l'intelligence de l'animateur, Mme Tremblay. Je suis bon, je serais dû. Là, je suis bon. Dans mon domaine, disons. Je suis bon dans... Dans mon tiroir secret, je suis bon dans ma spécificité. Puis là, on va arrêter de parler de spécificité parce que j'ai même pas ouvert en ce 7 octobre. Je rencontre une réalisatrice, mais que je peux pas nommer encore. Plus qu'une réalisatrice, là. Plus que ça. Disons, une dame du 7e art. Gabriel Garcia Marquez disait « Les gens que l'on aime devraient mourir avec toutes leurs affaires. » Intéressant. Je voulais rendre un hommage à Marie Huguet, mais j'ai trop pigé, j'ai trop parlé. Je peux pas faire ça à peu près, donc je remets ça à la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, j'ai déjà plein de choses à vous parler. Ça, on va peut-être se rendre à Noël. Oh, je voulais faire aussi, je voulais parler d'une bière. Pourquoi au Saguenay, on boit plus cette bière-là qu'ailleurs? Oh, on va reporter ça. On reporte. Oh! Il y a des choses dans la vie, hein? On se lève, on dit, oh, j'ai tellement d'accomplissement. Puis-je l'accomplir en moins de 24 heures? Mais moi, c'est pas ça. Est-ce que je peux faire mon émission en 2 heures? Rentrer tout ça là-dedans? Ben beau la sardine, là. Mais faut pas les essorer. Faut qu'elles aient encore une certaine apparence pour que l'œil ait le goût de la manger. Si ton œil mange la sardine, moi, je veux voir ça. Non, non. On dit que l'œil est le premier titillement de l'art culinaire. Tu sais, quand tu prépares un plat, là, tu places comme sans aucune esthétique des mets d'une manière aléatoire, puis tu regardes ça, tu dis, c'est dégueulasse. Puis lorsqu'un professionnel dispose, déjà disposer, c'est pas comme placer dedans, là, c'est... Il y a un côté artistique, là. Le mec, oh, attention, on se recule. Non, moi, ça fonctionne pas. Non, je vais vous dire, du coup. Moi, je fonctionne pas. Je fonctionne pas à la réverbération de l'œil parce qu'on sait bien qu'il y a une certaine accoutumance de l'iris vis-à-vis le mets, la couleur aussi souvent. Viande blanche, bien sûr, attire sauce rouge. Viande rouge, vous allez me dire, attire sauce blanche. Pas du tout. Viande rouge se suffit à elle-même. Quand je vous dis que c'est se suffit à elle-même, c'est qu'elle se suffit à elle-même. Alors, il faut rajouter peut-être des petites lanières de riz. Là, vous dites de lanières de riz, c'est pas de la pâte, là, c'est du riz, c'est du petit. Mais du riz qui a été ensemencé dans les tranchées québécoises. Donc, engraissé à l'amour et surtout au québécisme. Des coups de tabernacle, de tabernique, de tabernacle. Ça donne au riz une vitalité, surtout une justesse dans le goût. Et l'important, c'est la justesse. Justin, reste dans ton trou d'eau, Justin. On t'a pas parlé, on te parlera pas, on veut rien savoir de toi. Continue à boxer, mon champion. Ton père nous a mis dans un trou d'eau. Tu continues à nous faire rouiller. Ainsi soit-il. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de Variété indépendante. Ben oui. Lui, sa mission, là, j'irai pas plus loin parce que je trouve qu'il a raison là-dessus. Bienvenue à l'émission, c'est ici, de Variété indépendante francophone, Errance rénaldienne. On passe par-dessus. Her mouth is a curve. Ah, je vous présente l'auteur, compositeur, interprète Egon Kragle, un homme qui s'intéresse aussi aux extraterrestres, aux ovnis, donc un ufologue, auteur, compositeur, interprète, ufologue, tout ça dans le corps de Egon Kragle et dans la tête surtout d'Egon Kragle, un artiste extrêmement intéressant. À toi, la vedette, à toi, l'ufologue. L'ufologue, merci. My love, and let me go. In your gunmetal eyes linger the crimes I paid you for. I will barnacle box the prison you know longer there. Am I too shy to stop a sleazy detail of the case? Your campfire lit face glows like a ghost into the dark. I hear a broken bell. Is it a spell? Is it my heart? Baby blue eyes has gone away. So silent, honest, I'm a day. Baby blue eyes, your name of love is written with mine on the pole. Baby blue eyes far in the sky, lights up and juggles with the stars. Baby blue eyes with a clock's tick can turn my poison into milk. j'irai voir sur Internet de quoi ça, ça ressemble. C'est trop mignon. Ah oui? Ah ouais, c'est... Et le tien était blanc? Il était tricolore. Oh, ah ouais? Et c'est une peluche, en fait. Ah oui? Et alors, c'est plein d'amour. Et c'est pour les enfants, pour les... c'est pas des chiens très sauvages? C'est un chien génial parce qu'il te suit. Quand tu es dynamique, il est super dynamique. Quand tu es calme, il est super calme. C'est doux avec les enfants. Imagine-toi que ce toutou ne m'a jamais fait un seul dégât à la maison. Jamais. C'était un cadeau. 15 ans. Et ça a été mon plus bel enseignant. Ah ouais. Voilà. Lui a été mon plus bel enseignant. Moi, je suis à l'écoute. Il m'a appris tant de choses. Au lever, là, il est content de me voir. Et ça, je me dis, hey. Et c'est quoi ton toutou? Ah, moi, c'est un Yorkshire croisé caniche. Ouais, c'est génial. Je vais te le montrer, Ah oui! Ah oui, il est beau! Ah oui! Hey, blanc comme neige. Voilà, c'était... Ah, c'est bon. C'était mon coton. Et... Comment il s'appelait? Il s'appelait Balam. Balam. Il est mort de vieillesse? Balam, ce sont... Je sais pas si tu sais ce que c'est le Balam. C'est... Non. C'est le dieu... c'est la plus haute divinité maya. OK. C'est le dieu de la nuit, le dieu de la justice, c'est un dieu un peu dur. C'est lui, le Balam. Ok. Voilà. Ah, on dirait un tigre. C'est un jaguar. Un jaguar. C'est le dieu jaguar, voilà. C'est lui. Donc, c'était mon jaguar de poche. Ah oui, attends, je vais te le montrer. J'ai en plus un court vidéo. Ah, il est là. Oh, un roudoudou. C'est un roudoudou. J'adore. Drôle, hein? J'adore les chiens. Les chiens me font pleurer. Puis là, comme ça, là, parce que là, sa maîtresse est partie. Il va rester là jusqu'à temps. Si elle quitte 3 heures, il va rester 3 heures là. Et moi, je m'en vais ici à côté de lui pour lui donner de l'eau. Parce que quand je bois de l'eau, je lui en offre. Il boit mon verre d'eau. Il prend pas la gamelle parce que c'est... Écoute, c'est pas un chien pour moi. C'est Benjo, parce que son prénom, c'est Benjo. C'est Benjo. Moi, je le vous vois, hein. Mais t'as raison. J'ai jamais tutoyé Benjo. Moi, je vous vois les enfants et les chiens. Voilà. Eh oui. Mais là, le vidéo là, dure à peu près 4 minutes, puis il est là, puis il regarde. Ce sont des merveilles. Ah oui, oui. Ce sont des merveilles. Puis les oreilles, tu sais, quand il y a un son, les oreilles, c'est comme une coupole. Il est d'une sensibilité, le nez, le pif, quand il y a un pitou à l'autre bout, qui va arriver dans 4 minutes, il va le sentir, puis il va se mettre à japper. Tu sais, c'est incroyable, ils ont fait des expériences. Ils ont mis des caméras dans les maisons, comme ça, et ils se sont rendus compte que lorsque les maîtres ou les maîtresses, qui étaient parfois à 4, 5 kilomètres, prenaient la décision de rentrer, au moment où ils prenaient cette décision de rentrer, les chiens se levaient. Ah oui? C'est-à-dire qu'il y a un échange vraiment télépathique entre les maîtres et les... Il y a des vibrations que l'animal est plus éduqué que nous, est plus élevé que nous, est plus... Absolument, ils ont un 6e, 7e, 8e sens qu'on n'a pas. On l'a vu avec les tsunamis, par exemple, où ils anticipent les catastrophes. Enfin, les tsunamis, tous les chiens, les éléphants, tous les animaux sont partis avant. On dresse aujourd'hui des caniches en France pour les gens diabétiques. Oui, j'ai vu ça. Et les chiens devancent les crises. C'est-à-dire que 15 à 20 minutes avant que la personne soit en crise, les chiens vont s'agiter. Absolument. Les animaux sont magnifiques. Hein, ils ont... Au Québec, on fait des recherches, on élève des chiens pour prévenir l'Alzheimer. L'Alzheimer? Oui, parce que c'est des ondes cérébrales. Oui. Et le chien les capte. Alors, si, exemple, ta mère n'a pas l'Alzheimer et que, bon, de famille en famille, on en meurt, ben, tu vas pouvoir acheter ce chien-là et il va alerter. C'est incroyable. Et ça, tu vas pouvoir entamer... non pas de guérison, mais tu vas prendre une médication qui va ralentir de beaucoup. D'accord. Donc, ça va, le prolongement peut être facilement de 15 ans. Wow, mais génial. C'est avant même que ça commence, avant que les cellules, parce qu'en fait, c'est les vibrations, je peux pas dire c'est quoi. Ou des là. Ondes. Les... Pas, ouais, ça, de toute façon, nous sommes tout est électrique en oui, nous. Oui, c'est hein, ça, mais sais, je peux donc, pas, ouais. Il y a Robert Charlebois qui disait une chanson de kitsch, c'est pas physique, c'est électrique. Chanté par Luc Plamondon. C'est joli. Oh, mais c'est une merde, là, une chanson de merde. C'est vrai, bon. C'est pas, parce que c'est génial, je trouve que l'idée, oui. Oui, c'est pas, oui, c'est ça, c'est pas physique, c'est électrique. Et à un moment donné, il l'avait fait avec, sur un plateau où Gainsbourg était là, c'est un grand chum de Gainsbourg. Puis au lieu de prendre un micro, il avait pris un rasoir pour faire le micro pour Gainsbourg. c'est un clown, Robert Charlebois. À un moment donné, il était invité à la carte blanche d'Alain Bachung. À Montréal, moi je reste à Québec, donc j'avais pris mes deux billets le samedi et dimanche. Il y avait Diane Dufresne le samedi et Robert Charlebois le dimanche. Et Robert Charlebois, avec le nez, la touffe, il regarde par le rideau pour examiner les gens qui avaient dans la salle. Ouais. Oh, c'était rigolo. Le seul qu'on pouvait voir, c'est Robert Charlebois. C'est un gars qui jouait perdument des conventions. Je sais qu'il a été... Il a été très amoureux d'une belle chanteuse en France, qui a été une amie aussi. Il a été très amoureux de Marie Laforêt. Ah! Il a fait une chanson sur Marie Laforêt. Ah oui. Il y a une chanson. Il est en couple avec une Française. Ah ouais? Ben oui, ouais, depuis 30 ans. Je sais qu'il y a une chanson, c'est Cherche. Ah. Il y a une chanson... De Robert Charlebois. Oui, qui s'appelle, je sais plus, avec le truc de Marie Laforêt, carrément dans le titre. Ah, oh, il y a Marie Laforêt dans le titre. Ah oui, absolument, okay. Absolument. Okay. Ouais. Et puis, Robert Charlebois, puis il y a un chanteur québécois qui s'appelle Jerry Boulet qui est décédé et qui s'est marié avec une Française. D'accord. Offenbach, le groupe Offenbach. Ouais. Non, pas le classique, là, Offenbach, c'est un groupe rock, Offenbach. Ouais, avec Jerry Boulet, les cheveux. Ouais. Quand il reprend « Le ciel bleu sur nous peut... » Est-ce que tu la connais? Non. Ah, c'est merveilleux. Et donc, quand ils ont fait leurs adieux au Forum, ça, c'est en 1986, j'ai acheté le coffret métal. Ils ont recréé le billet au Forum. Ça coûtait 17$. 17$ pour aller voir. Et puis, lui est parti 2 années ici. Ils ont fait un film, un documentaire, ce qui s'appelle Tabarnak. D'accord. Et tu vois les flics parce que, bon, il y a des gens qui ont fait une plainte. Et le plus rigolo, c'est que... les flics arrivent, ils sont trois. Il est 3h du matin, là, ils frappent à la porte. Là, ben, c'est des chanteurs, hein. il y a le compositeur, le groupe Offenbach qui est là. Ça fume des joints, ça boit de la bière. À un moment donné, là, les flics, oh, mais là, on a eu. Il faudrait peut-être faire moins de bruit. Et à la fin, les flics buvaient de la bière, fumaient des joints et ça parlait de vie et tout ça. C'est super. Wow. Super. Ça s'appelle Tabarnak. Tabarnak? Oui, Tabarnak. Ouais. Et il s'est marié avec une Française qui l'a trouvée. C'est une police de proximité. Aujourd'hui, ils font plus ça, ils tirent sur les enfants. Oui, c'est ça. Ici aussi. Ouais. Ben ouais, c'est pour ça que je dis ça. Et sinon, est-ce que tu as trouvé ça difficile de te remettre à écrire? Ou ça a été un plaisir libérateur? Au niveau de la musique, tu veux dire? De tout, des paroles. J'ai jamais cessé, en fait. Tu sais, c'est... C'est un peu comme une respiration, on n'a pas le choix. Je suis tout le temps en train de gratter, en train d'écrire, tout le temps. Hein. Je jette plein de choses, hein, plein de trucs. Si tu vois mon ordinateur, c'est infernal. Je sais pas, j'ai des centaines et des centaines de bouts de musique et je jette et je jette et je jette. Oui, c'est une respiration. Voilà, c'est pas... C'est ton oxygène. Oui, absolument, on n'a pas le choix. Je suis toujours avec ma bonne vieille guitare. Que tu as amenée sur les abeilles. Ouais, c'est toujours la même, c'est toujours mon Alhambra, ma vieille guitare andalouse que j'adore, qui en a vu et qui en verra si la vie le permet. Ouais. Et j'arrête jamais. Écrire tout le temps. J'ai toujours des carnets, je suis toujours en train d'écrire, tout le temps. Mais depuis, tu sais, j'ai écrit mes premiers poèmes, j'avais 6 ans. Tu as encore de la poésie? Oui, beaucoup. Beaucoup, mais par contre, c'est très difficile de trouver des éditeurs. Parce que... Ouais, mais c'est le parent pauvre, hein, de la littérature. Absolument. C'est comme la danse contemporaine, c'est le parent pauvre de la danse. C'est l'enfant Oni. Ouais. Donc, c'est très difficile. Mais tu peux écrire pour toi, sans passer... Oui, j'écris. J'ai écrit tout un gros recueil de poèmes dernièrement. Il est là. Tu cherches une maison d'édition. Il est dans mon tiroir. Pas tout de suite, là. Comme je suis sur... Sur les extraterrestres. Sur mes ovnis. Ouais, ouais. Mais, et puis des romans. J'ai écrit aussi un conte pour enfants. Et, qui est terminé? Qui est terminé, c'est Armand Daltaï qui... je sais pas si tu vois qui est Armand. Qui était une très belle chanteuse de rock, qui a tourné beaucoup avec Higelin. Ah oui. Et qui était la comment elle s'appelle? Armand Daltaï, qui était la professeure de la Star Academy. Professeure de chant. Oui. Elle s'est fait écrire une chanson par Bergman. Absolument. Elle a une voix très, très... Absolument. Diane Dufresne. Elle a un petit côté Diane Dufresne. Complètement. Moi, je la connais. Oui. Sacred, and the rivers and the snow, and the moons are dancing on my brow. I'm a man of holly, and I go where the wind blows. I'm a man of holly, and I know that I speak the language of the eagle and the crow, and the raindrops tap dance on my brow. Oh, my wings of thunder. Oh, hide me in the storm. Hide me in the storm. Oh, my wings of thunder. Heavens high, high, high, heavens fly, high, high, high, heavens high, high, high, heavens high. I'm a man, I'm holly, and I'm stronger as I grow. I'm a man, I'm holly, and I know my path is the middle way. It's neither high nor low, and the sun is blooming on my brow. Oh, my wings of thunder. Oh, hide me in the storm. Hide me in the storm. Oh, my wings of thunder. Fly high, high, heavens high. Fly high, high, heavens high. On a passé un cheveu de la rencontrer, mais elle était dans l'émission, comme tu dis, là. Et moi, je... Ben oui, on avait parlé. Ben oui. C'est une super amie et c'est Armand qui est en train d'illustrer le livre pour enfants. Oui, elle était sur France Inter à l'époque où... un type assez underground avait une émission de radio en fin de soirée, même je pense que c'était 23h. Elle était invitée, puis elle a parlé de toi. Puis je t'en avais parlé sur... Ah oui, tout à fait. Oui, elle avait été invitée chez Alain Manval. Exactement. On le voit plus, ce bonhomme-là. Il est plus de notre mesure. Il est décédé. Alain, oui. Ah, oui. À quelle année? Il n'y a pas très. Il y a 2-3 ans, je crois. Quel homme? Magnifique, Alain. Il était dans un univers underground assez. Génial. Qui a fait beaucoup de choses pour le rock en France. Vraiment. Il m'a fait connaître un groupe que j'avais oublié, pas connu, oublié. C'est le Marquis de Sade, le groupe Marquis de Sade. Génial, Marquis de Sade. Il n'y a plus rien dans Marquis de Sade, hein. Ça n'existe plus. Là. Mais ça n'a pas vieilli. Hein. Quand je diffuse ça, c'est KRL, c'est un velours. Quand je veux me faire plaisir. Là. C'était génial. Et sur scène, ils étaient magnifiques, Marquis de Sade, c'était magnifique. Ouais. Il y a eu un âge d'or comme ça, à un moment donné. Ben, il y avait la radio libre aussi, tu sais, ça. Tout ça, avait donné une impulsion bienvenue comme ça. Mais c'est dommage que ce soit terminé parce qu'il reste encore quelques radios libres. Mais on essaie de tomber dans des conventions, dans des. Ben, le problème, je sais pas chez vous, mais nous ici, l'industrie du disque est morte. Non, partout, c'est mondial. C'est fini, tu vois, c'est terminé. On télécharge beaucoup. Oui, souvent c'est pas payé, là. C'est pas payant. On va sur des torrents puis on télécharge de nouveau Bowie. Ben voilà. Moi j'achète, hein. Oh ouais, mais moi aussi. Moi j'achète. Moi aussi. Parce qu'en fait, je me dis que les artistes ont besoin de vivre comme tout le monde. Hein. C'est comme moi quand je travaillais de nuit dans le quartier chaud de Québec, il y a beaucoup de personnes qui s'imaginaient, oh, je vais prendre un taxi, puis qui ne payaient pas le chauffeur de taxi comme si lui n'avait pas besoin de vivre. C'est une débilité. C'est fou parce que tout est payant. Ben oui, ben tout oui. Est payant, donc pourquoi. Pourquoi lui de. Et puis c'est un métier, ben oui. Voilà, et je pense que tout travail mérite salaire. Effectivement, même chanteur, même. Bien sûr. Et surtout bien chanteur. Bien sûr, ben c'est un boulot, c'est aussi un, ouais. C'est un travail. Alors, évidemment, c'est moins, comment te dire. C'est un peu privilégié parce que c'est faire quelque chose qui te plaît. Je sais qu'il y a énormément de gens qui font des boulots qui. Ouais. À côté, ouais. Qui leur conviennent pas. Ah oui, oui, oui. On dit 77% des gens font un boulot qu'ils n'aiment pas. Hein. C'est terrible. 77. C'est terrible. L'être humain est particulier. On a quand même créé notre enfer. Hein. Oui. On a créé notre enfer. Mais surtout si tu vois ça comme ça. Nous avons juste une vie éthérienne à vivre. Oui. Et. Ben c'est d'autant plus fou. Oui. D'autant plus fou qu'on n'a qu'une vie, elle est précieuse, elle passe vite. Et que tout ce qui est beau est gratuit. Tout ce qui est beau est gratuit, le soleil est gratuit. Regarde ce beau ciel bleu, il est gratuit. Oui, les sourires des gens, c'est gratuit. L'amour, la véritable amour, c'est gratuit. La pluie est gratuite, enfin tout ce qui est essentiel est gratuit. La nature, normalement, nous donne, la nature est généreuse, elle est gratuite. Ce sont les hommes qui la pillent et qui, tu qui vois, et, tout. Et qui la, voilà. Qui complexifie tout. Absolument. C'est si simple. C'est triste, on avait de quoi faire, on avait de quoi vivre heureux, on a une planète magnifique, on a une machine somptueuse qui est le corps. Et puis on quand a... Quand elle va bien, tant mieux, on en profite. Bien sûr, bien sûr. Et on a tout gâché. Mais trouves-tu que c'est lorsqu'on est malade qu'on se rend compte qu'être en santé, c'est un privilège? Évidemment. Je pense que c'est la première des richesses. Oui. Voilà. Parce que quand tu peux bouger, quand tu as la possibilité de bouger un bras, une jambe, tout est possible. Et quand tu peux plus, c'est terrible. Voilà. Ah, il n'y a pas si longtemps, tout le monde disait « Ah, oh, Céline Dion, ah, oh, Céline Dion. » Mais René Angélil, il est mort très très jeune. Il était millionnaire, archi-millionnaire. Céline Dion est archi-millionnaire. C'est l'artiste la plus payée actuellement. Elle ne vit plus, elle existe. Puisqu'elle est malade. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle a une maladie orpheline. Ah. Dégénération. Elle peut se lever le matin et puis avoir les articulations complètement... C'est la fille la plus riche au monde. Elle peut avoir les meilleurs médecins. Comme je te disais tantôt, les médecins, ce n'est pas des magiciens. Tu sais, la seule démocratie, c'est... C'est ça, la seule justesse. C'est la justice. C'est qu'on part tous. Je crois que ni la gloire, ni l'argent est une garantie de vivre bien et de bonheur. De toute façon, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Non, hein. Donc non. Quand on part nu. Mais tous ensemble et de la même façon. Mais que, quand tu vois des imbéciles aller au tiercé, acheter des billets de loterie, avoir de faux espoirs, un jour je serai riche, mais pas... Oui, tu peux l'être riche, mais mieux vaut être riche de cœur qu'être riche... C'est ce que j'allais te dire, mais on peut être riche de plein de choses. Oui. On peut être riche de plein de choses. On est... Dès l'instant où on a vécu, on est riche de tas de choses. Il faut savoir simplement reconnaître ses vraies richesses. Quelles sont les vraies richesses? Voilà. C'est ça qui est important, c'est reconnaître ce qui est précieux. Beaucoup de gens ont besoin de lunettes. Oui, voilà. Ou de forme de lunettes. Oui, on a besoin d'ouvrir les yeux, tu sais. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il y a beaucoup de déni. Beaucoup de déni. Mais bon, il y a aussi beaucoup de bienveillance. Moi, je me rends compte de ça aussi. Oui. Contrairement à ce qu'on pense. Plus qu'avant ? Oui, parce que je crois que, en même temps, même si d'un côté les violences grimpent, même si d'un côté le clivage fait qu'il y a des affrontements beaucoup plus faciles, il y a aussi le fait d'avoir vécu ces moments qu'on a tous vécu difficiles, ont ouvert les yeux de certaines personnes. Et je suis assez étonné, parce que je trouve parfois de la bienveillance là où je ne m'attendais pas à la trouver. Voilà. L'humain te surprend. Oui, absolument. Tant mieux. Génial. Est-ce qu'à un moment donné, tu avais plus espoir à ton prochain, à ton frère? Il y a des moments, oui, il y a des moments où on perd espoir. Il y a des moments de grande douleur, de grand chagrin. Oui, bien sûr. Quelquefois, quand je vois toutes ces histoires, par exemple, sur les enfants, sur la maltraitance des enfants, et ce qui affleure aujourd'hui, et qui commence à bouger, heureusement, je sais qu'il y a des... Il y a un film aux États-Unis là, dont on parle beaucoup, qui s'appelle The Sound of Freedom. Sur cette maltraitance des enfants. Les enfants sont très très maltraités. On s'attaque à des gens très vulnérables, les personnes âgées, les enfants. Ça me crève absolument le cœur et ça me rend une tristesse insondable. Et là je perçois en l'humanité. En les miens, oui. Mais... Je peux pas imaginer ça. La violence envers les démunis, les animaux, les enfants est insupportable. Quelle lâcheté, voilà. Est-ce que tu te vois âgé dans une maison entourée de vieux? De personnes âgées comme toi? Oui. Tu voudrais pas vivre, toi, ailleurs qu'avec des personnes âgées? Non, mais j'ai envie de vivre avec des jeunes et des vieux. Ouais, c'est ça. Je veux vivre avec... T'es une maison de retraite, est-ce que tu te vois dans une maison de retraite? Non. Non, il faut partir avant. Je veux partir avant. Si j'ai une bonne étoile, je partirai avant. As-tu entendu la chanson de Michel Jonas, ce qui parle de ça? La maison de retraite? Non. Je vais écouter ça. Oui, puis c'est une chanson live. Tu prendras la version live. Ça s'appelle La maison de retraite? La maison de retraite. Eh bien, en rentrant, je vais aller écouter ça. Nouvel opus. D'accord, je vais écouter ça. Ça t'arrache le cœur avec la voix de Michel Jonas. Ah non, les maisons de retraite, ce sont des mouroirs. C'est un jardin zoologique pour personnes âgées. Les anciens ont le droit de vivre avec nous, on est des familles, on vit entre jeunes. En Afrique, c'est pas comme ça. Mais je comprends pas. Je comprends pas cette cruauté d'abandonner les anciens qui sont magnifiques et qui peuvent nous apprendre. Non, quand j'ai dit moi je me vois entouré de personnes âgées, oui, parce qu'on pourra se raconter plein de choses, mais je me vois entouré de jeunes. Enfin, j'espère qu'il y aura de la vie autour de moi. Oui, pour encore pour encore faire fonctionner tes neurones. Mais si ça fonctionne, on pourra leur parler de plein de choses, on pourra leur enseigner plein de choses, on a un rôle. On a un rôle extrêmement important qui est la transmission. Oui. Là-dessus, il y a un préjugé. L'homme avec ses fleurs, il y a un préjugé. Oui. Il va voir les couples masculins et féminins, mais ils passeront jamais nous voir. Ah oui. Ah, il y a des préjugés. Oui, tout à fait. Non, mais c'est fou, hein? Oui. Is a touch of your soul, and my heart is broken with grief. Barefoot you dance in the snow, and the sky cries shivering. You love to rove, my boy, God made you so. No care, no joy, my boy. Delusion is all you know. Dawn still a boy, moon tame a boy. No mortal eye could see. beauty yet to find when you smile sadly on me? Do you feel blessed when they cry? Do you use them as you used me? You're a frozen word, my boy, with a thunder feet. We'll split and crack, my boy, torn between abuse and guilt. Don't steal her, boy, moon, tame her, boy. No mortal eye could see the shame of thee. Tick, tock, say the clock. Tick, tock, you unlock my heart. When you knock, knock, knock. When you knock, knock, knock. So cold at my il est allé voir deux filles, tu vois. Ah oui, parce que le lesbianisme c'est mieux vu d'une femme qui font l'amour. Oui. Parce que pour l'homme, c'est... Oh. Parce que c'est un lieu de fantasme. Oui, c'est voilà. Ça. Masculin. Ça peut être, oui, tout à fait. J'entendais des garçons hétérosexuels dire « Ouais, j'adorerais avoir deux filles, même deux filles qui s'aiment dans mon lit. J'arriverais à les... » Les convertir, ben oui. Mais non, mais il pourrait être bisexuel. Là. Oui, enfin bon, non, les convertir, il peut rêver. Convertir comme si c'était une maladie, puis on va... Absolument. Oui, ça c'est... Ça c'est une chose terrible, ça. As-tu été influencé par Michel Dark, Daniel Dark? Daniel, que j'ai connu. Alors... Pas vraiment influencé parce que comment te dire, ce que je faisais était très différent de Daniel, mais j'ai connu Laurent Sinclair aussi, le clavier. Dans son groupe? Oui, de Taxi Girl. J'ai connu Laurent et j'ai connu Daniel. Et j'ai connu Mireille, je les ai connus. Écoutais-tu beaucoup Taxi Girl? Comment? Est-ce que tu écoutais beaucoup Taxi Girl? Non. Pour te dire la vérité, j'aimais infiniment les garçons, je les ai vraiment appréciés, connus, mais j'étais toujours étonné parce que quand on discutait, on parlait de rock. Moi je revenais de Londres, si tu veux, et sur scène j'avais vu Siouxsie, j'avais vu Iggy, j'avais vu tout ça, donc moi j'étais... J'avais une espèce d'indignation comme ça et de violence et de trucs. Et puis quand je parlais avec eux, on parlait beaucoup de Mishima par exemple, parce que leur album s'appelait beaucoup. Moi j'adorais Mishima, j'adore Mishima. Donc on se racontait, est-ce que tu as lu le Pavillon d'Or? Non, moi j'ai lu le Marin par la mer, etc. Donc on était là, et puis le Japon, Kawabata, tout ça. Et puis un jour ils m'ont invité sur scène, parce que moi je les ai connus, j'avais pas écouté leur musique. Et puis un jour ils m'ont invité sur scène et là j'étais un peu surpris parce que c'était très gentil. C'était très gentil. Chercher le garçon, trouver son nom. Moi j'étais avec Iggy, I'm bored, ou I wanna be a dog, ou enfin tout ça. Donc c'était plus punk. Ou avec le Velvet, tu vois, où c'était. Donc ce punk français était très gentil. Donc j'ai pas eu de. J'avais beaucoup plus d'affinité avec Alain Zetkamp. Connais pas. Tu connais pas Alain Zetkamp? Toujours vivant? Non, alors Alain a disparu, okay. Du jour au lendemain. C'était le beau-frère de... Disparu, mort. Oui, disparu, okay. c'était le beau-frère de Christophe. Ok. Le beau-frère. Et d'ailleurs, Christophe venait à la télé à l'époque, au journal de 20h, pour dire... on sait qu'il a pris le métro, je crois... Oh, il est disparu, pas mort. Il a disparu, il s'est évaporé. Il a, la dernière chose qu'on sait de Alain, c'est qu'il avait pris le métro, je crois, à Châtelet-Léal. À quelle année? Ça, je pourrais pas te dire exactement l'année. Et il a disparu. Alain était un putain de punk, si je peux me permettre l'expression. Hein. Je vais t'envoyer. Moi, j'ai ces albums en MP3. Okay. Je vais t'envoyer ces albums. Oui. Accroche-toi. Oui. Mais je diffuse. Mais ça, c'est... C'est indisponible, là, on ne peut pas trouver ça. C'est punkissime. Ils ont sorti un coffret, une époque, où il y a ces albums. Est-ce que c'est en français? Je ne sais pas si... Oui, c'est tout en français. Ah, je veux. C'est Accroche-toi. Hein. Ah oui. C'est génial. Oh, oui. Et Alain, il était ingérable. C'était un vrai punk, voilà. Ça, mais ça, qu'est-ce qui lui est arrivé, d'après toi? Tu sais, c'est un garçon qui vivait très dangereusement, qui flirtait sans cesse avec l'extrême. Avec la mort. Et je ne sais pas ce qui a pu lui arriver. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un et ça s'est mal fini? Je ne sais pas. Puis les policiers n'ont pas creusé parce que c'était... Il y a eu beaucoup de choses. Je vais t'envoyer, si ça t'intéresse, je vais t'envoyer. Ah oui, ça m'intéresse, voyons. Carl Zéro, t'as entendu parler de Carl Zéro chez nous, qui était un journaliste. Oh, mais je le connais, il vient de sortir, j'ai acheté un documentaire. Voilà. Alors, Carl Zéro qui fait un travail magnifique sur... Il avait fait un documentaire sur le Québécois qui avait mangé un Asiatique. Là. Voilà, absolument. Ouais, ouais. Carl Zéro a deux casquettes, en gros. Il s'occupe beaucoup de la maltraitance des enfants, ouais. Hein, des réseaux pédocriminels, etc. Et il a fait pas mal de documentaires sur des cas étranges. Et il a fait un magnifique documentaire sur la disparition d'Alain Camp. Et tu l'as? Je l'ai. Je t'envoie oui. Tout ça. Ah, merci. Je t'envoie ça, tout ça par WeTransfer. Oui. Hein, oui. Je t'envoie les albums. Tu vas voir la totale. Il y a 4 albums. Et je t'envoie le documentaire. Est-ce que tu vas attendre à lundi? Parce que ici, là, le transfert peut me prendre 2 jours. Moi, je t'envoie ça... Parce que est-ce que ça reste longtemps? Exemple, si tu me l'envoies aujourd'hui... C'est 15 jours. OK, parfait. Oh, oui, OK, parfait. Mais je t'envoie ça la semaine prochaine, quand tu es rentré. Okay. Non, mais si c'est 15 jours, il n'y a pas de problème. Je crois que ça... Il y a 15 jours. OK, parfait. Je vais t'envoyer oui, ça. Merci. Tu verras. Si j'avais su, je t'aurais fait une clé USB. Non, il n'y a pas de problème, Il n'y a pas de problème. Dans laquelle je t'aurais mis ça, si j'avais su, c'est mais... fou. Mais ça, il est parti dans les années 90. Alain Camp, c'était vraiment... Pour moi, c'est l'ultime punk. Puis Christophe a... Premier groupe punk qui s'appelait Gasoline, fondé par Alain. En mode... Et après... Ah oui, punk... Alors, tu t'associes beaucoup plus à ce gars-là? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis mes potes des Bérus. Ah oui, Béru, François, oui. Mon pote. Béru adorait venir à Québec. François, mon grand pote des Bérus, je l'adore, François. Ouais. J'ai plus de nouvelles de lui depuis un moment. Un mec épatant, génial. J'ai travaillé avec eux parce que je travaillais dans un label et on distribuait leurs albums. Ils ont réédité la majorité. Hein, oui, absolument. Je les ai achetés. Absolument. Bah si, s'ils sont sortis sur la Skoll, c'était moi qui bossais dessus. Ok, ouais, c'est moi ça. Qui ai travaillé dessus. Ouais. Bah voilà, c'est moi. C'est très très très très beau, là. C'est très professionnel. C'est pour de la musique punk, c'est vraiment. Puis François est un mec génial, extrêmement érudit, qui parle plein de langues asiatiques. Personnage très étonnant. Très étonnant, François. Ah, tous, hein, les trois sont chers à mon cœur. Est-ce que tu t'ennuies un peu de cette période-là où tu es bien dans ce que tu fais actuellement et que le passé, ben, c'est des beaux souvenirs à relater, mais... Ben, je suis pas nostalgique. Je suis pas du tout quelqu'un... Je sais pas ce que c'est que la nostalgie. Et je suis riche de ce que j'ai vécu, donc c'est en moi, ce qui fait que c'est toujours vivant. Quand j'ai envie d'écouter les Bérus, j'écoute les Bérus et c'est là. Je suis juste triste que certains soient plus là. Je suis triste par exemple que Bowie soit parti à 69 ans parce que je me dis il aurait pu nous faire encore quelques beaux albums. Voilà, je suis triste de ça. Ouais. Après, j'ai pas... Je sais pas ce que c'est que la nostalgie. Je suis pas quelqu'un du tout de nostalgique. Parce que tu es arrivé vers le futur. Oui, puis je me dis que de toute façon, le plus important, c'est demain. Oui, c'est ça. C'est ce soir et demain. Oui. C'est ça, le jour. C'est ça le plus important. On sait jamais ce qui peut nous arriver. Tant qu'on est vivant, ça c'est mon côté un peu bouddhiste, c'est here and now, ici et maintenant. Oui. Ah oui. La seule réalité, c'est ça. Oui. Oui, parce que tu peux t'en aller, te faire frapper. Il n'y a pas d'autre réalité que ce moment qu'on partage. Voilà. Le reste, c'est sûr qu'on parle du passé, mais il n'est plus là. Et ouais. Le futur, on ne sait pas. On relate, donc, on se souvient. Notre seule réalité, c'est ça. C'est juste ça. Ce moment qu'on partage maintenant. Exactement. Il n'y en a pas d'autre. C'est vrai. Donc, c'est ça que je m'évertue à vivre. Et au fond, j'arrive bien à le vivre. Voilà. Je ne suis pas très, très nostalgique. Bon, même si quelquefois, j'ai des... Ouais, un spleen. Je suis traversé par un petit spleen, mais ça dure très peu de temps. J'ai pas. Tu te redresses. Oui, et puis y a plein de choses. Regarde, là c'est l'été, il y a des oiseaux qui chantent, il y a un papillon qui vient de passer. C'est ça, ces petits bonheurs magnifiques. Et on peut sortir. On peut marcher. Regarde, on est là, on discute, on boit un verre. Oui, c'est ça la vie. C'est aussi ça. Ça, personne ne peut nous l'enlever, non. À toi et à moi, là. Ouais, personne ne peut nous l'enlever, donc c'est à nous. J'ai 10 questions. Si tu étais un liquide? Si j'étais un liquide, je serais du vif argent. Qu'est-ce que c'est ça? C'est, tu sais... comment on appelle ça? C'est, tu sais, c'est ce métal liquide qui est argent, qui coule comme ça. Ah oui. Parce que je trouve ça très beau. Ah oui, c'est... C'est comme lumineux. Oui, c'est ça. Ouais. Si tu étais une époque... C'était une époque, je serais le 19e siècle. Parce que j'aurais adoré connaître le 19e siècle. J'aurais adoré connaître Victor Hugo. J'aurais adoré connaître Alphonse Daudet. J'adore Alphonse Daudet. Et je trouve qu'il y a eu, au 19e siècle, il y a eu une espèce d'éclosion comme ça, de magnifiques écrivains. J'aurais adoré être une petite souris et me trouver... Alphonse Daudet faisait des dîners d'écrivains, d'auteurs sifflés, parce qu'il ne vendait pas de disques, de livres. Ça, et il y avait autour de la table, il y avait Alphonse Daudet, Émile Zola, Gustave Flaubert et Tourguenieff. J'aurais adoré assister à ça, tu vois. Mais comment t'appelais ça, siffler? Ils appelaient ça ils appelaient ça le dîner des auteurs sifflés. Ah, j'adore ça! Voilà. Eh oui! C'est... Le 19e, j'aurais adoré le connaître. Mais en même temps, voilà, le 19e. Si tu étais un aliment. Un aliment? Oh, je serais un aliment très simple. Je serais un aliment. Je serais juste un riz parfumé. Voilà, quelque chose de simple. Si tu étais une ville. Une ville? Ah, je serais Buenos Aires. Ouais. Je serais mon Argentine aimé, mi Buenos Aires querido. Je ne peux pas écouter du tango sans pleurer. J'ai passé beaucoup de temps en Argentine et j'aimerais bien un jour y retourner. Je serais Buenos Aires. Ou je serais Rio de Janeiro aussi parce que je trouve que c'est la plus belle ville du monde, même si elle est très dangereuse, mais je trouve que c'est tellement beau, Rio. Est-ce que tu y vas souvent? Je serais Buenos Aires. Est-ce que tu y vas souvent? Comment? Est-ce que tu y vas souvent? J'y suis allé beaucoup. Beaucoup. Et puis plus du tout depuis quelques années. Voilà, plus du tout. Alors, c'est un projet? Je voudrais retourner. J'ai un projet peut-être sur l'Argentine et Buenos Aires. Oui, ce serait Buenos Aires. Avec les ovnis et tout ça? Oui, okay. Et la musique. Ah oui? Et la musique. Ouais. Okay. Si tu étais un autre individu? Un autre individu? Ah, j'aurais pas cette audace et cette... Non. C'est déjà tellement difficile d'être moi. Ah oui? Mais j'aurais adoré, il y a plein de gens que j'aurais adoré connaître. Hein. J'aurais adoré connaître Che Guevara, par exemple. J'aurais adoré le rencontrer. Mais pas le light. Comment? Mais pas le light. Le rencontrer, mais pas le light. Non. Je suis pas révolutionnaire capable de prendre un fusil et de tuer ce qu'il a fait. Mais t'es prêt à comprendre pourquoi il a fait ça? Oui, absolument. Et puis bon, parce que justement, enfin, je parle de l'Argentine parce que je suis allé en Argentine, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qu'il avait connus, j'ai rencontré quelqu'un de sa famille, j'ai rencontré une grande partie des artistes argentins. J'ai eu cette chance-là de travailler avec Mercedes Sosa, avec Angèle Parra, j'ai fait leur disque. Hein. Et j'ai fait un disque hommage au Che qui a été 3 fois disque d'or, tu sais, parce qu'ils m'ont donné... Ils m'ont donné des chansons qu'ils avaient fait sur lui et qui avaient été interdites par la dictature si tu regardes un disque qui s'appelle Che Vive, je vais te l'envoyer. Oui. Je vais te l'envoyer. Et j'ai fait une chanson dedans. Ah ouais, s'il vous plaît. J'ai chanté une chanson avec un groupe argentin qui a été reprise en Argentine et que les mamans souvent chantent aux enfants pour les endormir. Est-ce que tu l'as déjà chanté à tes... Je l'ai toujours chanté sur scène. Non, mais à tes petits-enfants? Oui, et ma nièce me la demande. Oh. Elle me dit, la chanson avec la abuela, la chanson avec la abuela. Ils ont quel âge? Colette a 10 ans et James a 4 ans. Colette? Mmh. Ah, c'est beau. Colette, j'adore par rapport à mon amour de l'écrivain. Oh oui, c'est ça. Ah, c'est toi qui l'as suggéré à ta sœur? Oui. Ah, moi aussi, Colette... Elle a défoncé bien des portes. Pour moi, Colette est inégalable. Griffin kissed me in the spring, Robin in the fall, but Colin only looked at me and never kissed at all. But Colin only looked at me and never kissed at all. Robin's lost in play, but the kiss in Colin's eyes haunts me night and day. But the kiss in Colin's eyes haunts me night and day. D'être amie avec Marie Laforêt, qui était d'une beauté. C'est vrai. Marie, c'est... Mais d'une intelligence, elle a fait des films incroyables, était, sublimes. Quelle, Marie, qu'est-ce qu'elle était drôle. C'est un électron libre, elle aussi. Complètement. Et tu sais, la preuve, c'est qu'il n'y avait personne à ses obsèques. Personne? Volontairement? Il y avait Francis Lalanne. Volontairement? Francis était là. Bah, parce que, comme Marie était un électron libre, bah, le métier ne l'aimait pas. Parce que c'est ça. Tu sais... Mais voyons donc. Quand Marie a refait du théâtre et j'ai eu la chance de voir les premières et elle m'a amené avec elle, elle a joué, elle jouait Maria Callas. Tu sais, elle avait repris la pièce qui avait été, je sais plus qui avait, Fanny Ardant qui avait créé, ça s'appelait la Masterclass. Ah, ok. Et Marie a repris ça et ça a été un succès colossal. Mais tu peux pas t'imaginer colossal. Elle n'a même pas eu un Molière. C'est elle qui avait fait, c'est elle qui sans doute avait rempli le plus. À mais comment elle prenait ça? Ah ben elle me disait, il ne m'aime pas. Oh mais moi j'étais triste. Je lui disais Marie, c'est quand même dégueulasse. Elle me disait sois pas triste, Igon, il ne m'aime pas, c'est pas grave. Mais pourtant. Parce qu'elle parlait parce qu'elle n'avait pas de langue de voix, Marie. Comme c'était un électron libre. Absolument. Mais au cinéma, elle a explosé. Grande actrice. Marie, alors Marie, ce que je peux dire de Marie, c'est douée à l'extrême. Mais douée à l'extrême. Tu la mettais devant un micro. Tu lui faisais écouter 4 fois un truc. Boum, elle te chantait ça. Très grande. Il faut réécouter Marie Laforêt, très grande interprète. Moi, j'ai eu la chance de rééditer ses disques de scène, par exemple, qui sont des albums fabuleux. Un spectacle? Absolument. J'ai retrouvé les bandes des Olympias, de est-ce la que le son est bon? De la magnifique. Okay. Il faut que tu écoutes un album qui s'appelle... Voyage au long cours. Ok, je vais l'acheter. Et je peux t'envoyer. Je peux t'envoyer ça parce que je ne sais pas si tu vas le trouver. Il est disponible dans l'intégrale, mais l'intégrale elle coûte assez cher. Alors le WeTransfer risque d'être assez énorme. Bah oui, on va en Merci. Profiter. Alors garde, on va attendre quand je serai arrivé à Québec, ok? Parce que si c'est aussi énorme que ça, je veux. Je vais t'envoyer ça. Tu vas voir, c'est un disque magnifique. Ouais, okay. Est-ce que tu te souviens de tout ce que tu dois me placer là-dessus? Oui, ok. Je vais t'envoyer. Les CD d'Alain Camp. J'ai encore de la mémoire. Hein. Okay. Les CD d'Alain Camp. Le documentaire de Carl Zero. L'album Live de Marie, des chansons de scène, qui est un album magnifique. Oui. Et Marie est une de mes grandes influences. Et moi, je t'envoie Michel Jonas. Et toi, tu m'envoies Michel Simplement Jonas. Simplement Michel Jonas. Et doué à l'extrême. Comédienne fabuleuse, je l'ai vue sur scène. Au cinéma, elle est grandiose. Douée à l'extrême, peut-être trop douée quelque part. Trop ouais. Ah, c'est ça qui dérangeait les autres. Hein? Eh oui. Tout ce qu'elle touchait devenait or. Eh oui. Magnifique, Marie. Magnifique. Magnifique. Ben écoute, on se retrouve à Paris. Rendez-vous pris. Oui. Hein? Avec Axel. Alors, écoute-moi, sérieux. Oui. Quand tu reviens à Paris, oui, l'année prochaine, tu me contactes avant, oui, et moi je t'arrange ça. Ok. Et on fait avec Axel, oui, on fera avec Armand, oui, et deux, trois autres surprises. Mais Armand reste tout près d'ici? Armand, elle vit dans les Halles, à Châtelet, les Halles. Ok. Donc, elle a quel âge? Elle vient d'avoir 79 ans, okay, le 22 mai. Ok. Alors je me déplacerai pour elle. C'est normalement, je ne me déplace pas, mais pour elle, je vais me déplacer. C'est une amie très, très chère. À 79 ans, je vais me déplacer. Et elle est magnifique. Alors Armand... Oui. Armande, elle est belle partout. C'est-à-dire, c'est une magnifique personne et c'est une âme magnifique. Armande n'a pas une once d'amertume. Armande, c'est un... J'ai entendu à la radio, hein. C'est un bonbon. Mais je t'en ai parlé. C'est un bonbon. Ouais. C'est... Je lui dois tellement et j'apprends constamment avec Armande. C'est bien. C'est une belle école. C'est d'une grande intelligence et c'est quelqu'un de magnifique, voilà. Oh, magnifique. Ben écoute. Magnifique. Écoute, alors nous la rencontrons. Et je l'aime d'amour. Ouais, ben d'amour. C'est bien. Un peu comme une mère. Ouais, c'est... C'est un ange. Absolument. Elle dit que je suis son ange gardien, c'est ce qu'elle dit, mais... Ouais. Mais elle a adoré le disque là, que tu as fait, là. Oui. Elle en parlait beaucoup. Et la photo. Oui, elle en a parlé. Et la photo, à France Inter, c'est oui, elle qui a fait la photo de... Ah, c'est elle qui l'a fait. C'est elle qui a fait, oui, bien sûr. Et il y a une chanson qui lui est dédiée. Et laquelle? Nosebleed Holidays. OK. Et elle a travaillé, elle veut la chanter, elle veut la reprendre. Voilà. Elle a plein de projets, elle aussi, donc oui, c'est bon signe. Elle a des projets. Elle ne peut pas quitter la Terre. Non. Non, puis elle n'a pas le droit. Non. Elle n'a pas le droit. On n'en parle pas. Non, là, elle n'a pas le droit. Eh, hey, merci, mon ami, tu es aussi généreux. Écoute, je crois qu'on va faire un mois d'émission et c'est pas une blague. Eh bien, écoute, c'est génial. Merci. Mais merci à toi. Mais écoute, je crois qu'on est, on est les deux semblables, c'est-à-dire on est des amoureux de l'art, de la création, et aussi on est des gens véhéments. Oui. Mais il faut. Oui. Il faut. C'est vrai. Non pas graveleux. Non. Et puis on n'est pas tiède. Oh non, surtout non, pas. Non. Oh non, on fonctionne à la passion. Ou on est brûlant ou on est glacial. C'est ça, ouais, on se chante à ça. Y a pas, c'est ce que me disait Juliette tout le temps. Oui. Elle avait bien raison. Juliette, la chanteuse? Gréco. Ah, Gréco, ok, parce qu'il y a une autre Juliette que je connais. Okay. Je vais te montrer une chose pour te montrer. Oui. C'est juste... Puis je vais prendre des photos aussi. Pour te montrer... Le rapport que j'avais avec... C'est une photo toute simple, mais je pense qu'elle parle beaucoup. Faut que je la trouve. Excuse-moi, je vais pas regarder, là, mais... Oui. Alors... C'est une photo qui va te parler, attends. Attends, c'est des messages qui tombent parce, okay, okay, okay, que, parce que j'ai fait un truc sur une télé, donc... Okay. Arrêtez. Mais... Voilà. Elle parle. Elle dit, okay. C'est une photo simple, mais elle raconte une histoire. Ah oui. Ah oui. Très, très belle. Oui. Très belle. Voilà. Très, très belle. C'est Juliette. You catch a star and make it shine above the rainy trees. You lay a curse upon my heart. Where did you say you'd been? Road is long, from good to bad, from right to wrong, and the wise is so sad. December spreads over the graves. The day is dark and grim. A soldier's walking down the lane, as lonely as can be. Winter comes, winter goes. Feel the rain, it slowly turns to snow. When Dermot sings, that there is a God to believe in. When Dermot sings, my holy picture start to bleed. You hold your breath, close your eyes like a deep sea diver. You drill a lazy gush of cries. We know it's all over. Spread your wings, butterfly. Swing, brother, swing. Let me see the sky. When Dermot sings, that there is a God to believe in. When Dermot sings, my holy picture start to bleed. Start to bleed. My holy picture start to bleed. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.